ne prenez pas les temples comme mosquées, je vous l'interdis. Pourquoi les chiens qui prennent les hadiths? Non, vont, qu'est-ce qu'ils vont dire devant ce hadith-là? Il est clair. Quoi? Que le plus grand confident de la nation, que si le prophète aurait choisi un confident, il aurait choisi Abu Bakr. Ah, Abu Bakr comme confident. Parce que... Donc c'est Nissa. Les reconnaissants. Donc c'est clair. C'est clair dans le hadith. Or ceux qui vous ont précédé, prenez les tentes de leurs prophètes comme mosquées. Ne prenez pas les tentes comme mosquées. Je vous l'interdis. Et donc c'est pour ça que le professeur Hassan il a déconseillé qu'on fasse la prière près d'une tombe. La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Ne faites pas la prière près de. Oui, tu fais la prière pour Allah, mais pas ici. Tu dégages d'ici. Toute la terre elle est une mosquée, mais là tu ne fais pas la prière ici. Pourquoi? Non, je la fais pour Allah. Non, non. Khalas, tu vas ressembler à une personne qui va adorer. Donc tu adores Allah là, c'est bid'a, innovation. Donc tout ce qui est association, mais vraiment, le prophète sallam, il ferme toutes les portes qui vont. C'est pour ça il est au début de sa da'wah, il a interdit aux compagnons d'aller visiter les temples. Il a interdit. قد كنت أنهاكم عن زيارة القبور فزوروها. Et après, quand il les a éduqués dans le tawhid, donc je vous autorise. Là, tout d'accord, comme il a fait, parce qu'il fait penser le jour du jugement. Donc, Rasoul Salam, il ferme les portes là du shirk. Pourquoi les gens? Donc, ne bâtissez pas sur la tombe, n'allez pas faire la prière auprès de la tombe, rien. Quand vous passez près des tombes, vous faites salam et vous passez. Non, alors la médine, alors, c'est le salam. C'est ça, c'est dans sa maison, c'est qu'il a dit mais... pour le prophète. Ouais, la mosquée, elle est sa tombe ou elle est loin? Il faut retourner autour. Parce que c'est sa maison. Hein. C'est sa maison, il y a de façon. Après, ils ont cherché de façon. Oui, Mohamed, c'est pas côté. On va pas jusqu'à la tombe, on va là. Comme ça, on va jusqu'à la mosquée. Si, tu veux jusqu'à la tombe. Et donc, il y a beaucoup de hadiths. C'est spécial. La voilà, c'est spécial. Ah non, mais. Je crois qu'il y a quelque chose. Déjà, ils n'ont pas enlevé les tapis qui sont à côté de la tombe. Parce que déjà, Cheikh Al-Barid a enlevé ça. Oh. C'est un beau tapis près de la tombe. Les gens, ils vont venir et vont faire la prière à côté. En dehors, le professeur, je ne déconseille. Il ne faut pas faire la prière près de la tombe. Et les gens, ils vont, ils s'accrochent avec les ahbash et tous les dalalats. Ils cherchent la baraka, ils cherchent. On va parler, inshallah. C'est un sujet assez. La toile de la Kaaba. La toile de la Kaaba. Après la prière du vendredi. Oui, ça, c'est Salat al-Janaza. C'est bon? Ça c'est pour lui. Mohamed, ça va? Non, mais il y a lui-même qui dirige. Oui. Ça, c'est dans la Genèse, le prophète l'a fait. Les Sahaba l'ont fait. Donc, vous avez compris. J'ai mis clair. Ne parlez pas parce que. Donc c'est clair là-dessus, vous avez compris qu'il ne faut pas bâtir, le professeur Hassan m'a déconseillé de bâtir de prendre sa tombe comme mosquée, de faire la prière près des tombes, laissons ce sujet à part. C'est une protection et c'est beaucoup de choses parce que. S'il le laisse, ils vont le déterrer, regarde. Oui, mais je sais que un sujet, je sais quand est-ce qu'on peut parler de sujet. Voilà. Parce que ça va prendre. Tout nettoyer là, c'est tout ce qu'il y a dans la tête. D'accord, petit à petit. Et donc,